Lesson 4. An artist in his studio. Répétez chaque réponse aussitôt après avoir entendu le signal de départ. Le signal de départ. In a studio in London. Répétez, répétez, répétez.